question, pépito, puto. Est-ce demain est à nous, puis demain c'est cancan. Quelqu'un démon nègre le démonte avant de connaître mes souhaits. Sache qui je suis, ouais. Mais ils disent mon espèce peut skisser. Assez à l'assaut des places assises. Assassin l'état, redonne mes termes à matière. Les papiers, les palpés, les hauts paliers. Quitter le village, vite valise pour quelle vie. Jamais été roi là-bas, l'upidra. Dra ici, diplôme applaudi, diplôme d'architecte pour finir sous les ponts. OP, même noté au pied des hautes sphères. Doctorat de médecine pour finir à la mort. Hors de j'ai les docs. Pas la place des papes, battre les bâtards, les bourges, l'aurais. N'avez-vous pas l'impression que votre black music sert surtout à distraire les gens du showbiz et les fils à papa qui croient maîtriser le rap sans rien connaître de la rue? J'suis pas un mec hostile qui se limite rien qu'au style, le stylo stérile. Austère en stéréo, j'suis loin des stars et près du péril. Et j'péris à force de bouffer toute leur balivernes. Parfois j'balise sur les atteintes subies vu l'atteinte de nos épidermes. Ma vie c'est pas le pire, c'est dans mon empire que ça hurle. Et quand j'décris l'existence de mes proches, deviens dramaturge. Ici on purge dès lors qu'on distingue le bien du mal. Mais à comprendre la morale des hommes, j'ai bien du mal. J'aime ma vérité sur scène, pourtant c'est pas la messe. Écoute ce mess que j'diffuse par mon SF ou par SMS. J'fais la promesse de gazer pour les gens de ma base. Et pas pour les DA qui passent de mathmata. Jazz ma tasse, mate les maquisards du mic. On stigmatise d'habitude comme s'ils m'appelaient black. Dédramatise mon attitude. Pas de gratitude pour le showbiz et son gratin. Rap gratuit pour ceux qui grattent et pour qu'ils rêvent n'est plus qu'un baratin. Si tu veux savoir dans quelle tragédie je traîne, si tu veux connaître toutes les passions qui me prennent, pose-moi la question, écoute la réponse qu'il entraîne. Car je viens régler des comptes sur des idées qui m'étreignent. Si tu veux savoir dans quelle tragédie je traîne, si tu veux connaître toutes les passions qui me prennent, pose-moi la question, écoute la réponse qu'il entraîne. Car je viens régler des comptes sur des idées qui m'étreignent. Ne pensez-vous pas que les colons étaient vos messies tant attendus, votre Christ ou Mahomet, et que sans leur bénédiction, vous n'aurez jamais connu une vie d'homme normal? Je vais faire un 10, mais tu mettras 0 pour cet interro. Garde-toi, parce que tu crois être le même sur stéro. Est-ce que tu crois que sans ta patte, mes frères seraient sans grade? Abruti, abat, ils s'en battent. On ne manque pas de ce qu'on ne connaît pas. J'aime pas beaucoup la manière dont tu nous traites dès le départ, monsieur. À votre place, j'aurais mieux fait de me taire. Vous nous avons vers les hôpitaux, mais agrandis nos cimetières. Coup de bâton, tu penses nous éduquer? Pour rien au monde, mec, je viendrai sans cœur comme toi, mère. Les colons sont des fils de pute. J'ai envie de pleurer de rage quand je pense avec le cœur, mec. Tu nous parles de bénédiction, moi je parle de malédiction, mec. Comprends bien ma diction, mec. Nous on est la génération s'embrouillant, et c'est ce même sort que j'ai fait romper couler, monsieur. Entre nous, ne pensez-vous pas que les jeunes issus du ghetto sont foncièrement, comment dire, mauvais? Fils de l'humanité, enfanté par la société, rarement rassasié, jamais nourri à satiété. Ça fait de nous des récidivistes, récidivaires, récidinites, des jeunes qui font flipper le ciel. Minute, l'homme n'est beau mais la société le gâche. La rue berce ma preuve d'alcool et son shit. Et aujourd'hui tu me dis que tout ça c'est illégal. Est-ce que t'as vu mes gars? Est-ce que tu vis mes draps? Le deal devient une ration de survie. À l'école on me dit qu'à la maison je manque de suivi. Ma mère est sur leur plancher, mon père veut se venger. Et dans vos rues, je côtoie le danger. On est comme on aime, on vit comme on vit. Ça les offusque parce que les gosses refusent de venir leur susque. Alors à nous, on donne le mauvais rôle. Comment ce serait si on inversait les rôles?